Merci Manu Farine. Faire remarcher des personnes paraplégiques via un implant dans la moelle épinière, c'est bien. Que ces personnes puissent continuer à marcher même quand leur implant n'est pas activé, c'est mieux. Difficile d'étudier le sommeil paradoxal, autant qu'il est difficile de dormir correctement dans une IRM qui fait un raffut de tous les diables. Une nouvelle technique d'imagerie a pourtant permis de détecter une hyperactivité vasculaire pendant cette période du sommeil qui abrite nos rêves. Et enfin, la seconde loi de la thermodynamique permettrait-elle de décrire l'activité d'un trou noir et notamment de résoudre le paradoxe de l'information ? On vous explique tout sur le théorème de la calvitie sans que vous ne finissiez par vous arracher les cheveux. Paraplésie, sommeil paradoxal et entropie des trous noirs, c'est le programme chevelu qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et à l'inverse de l'entropie, le monde s'ordonne lorsqu'ils sont réunis autour de cette table. Bonjour Caroline Tourbe. Bonjour. Chef du pôle santé du magazine Science et Vie. Bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour. Voilà, kamikaze scientifique qu'aucun défi n'effraye au magazine La Recherche. Et bonjour Élodie Chabrol. Bonjour. Directrice France du festival Paint of Science, mais avant de vous retrouver comme tous les vendredis, c'est elle qui résout chaque semaine le facteur de désordre du monde, qui éclaire de sa lumière vive l'actualité scientifique la plus récente, Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le journal des sciences. Et on commence ce journal avec une série de publications autour de la maladie d'Alzheimer et de sa prévention, Natacha. Au cours des 30 prochaines années, le nombre de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer devrait tripler dans le monde, environ 115 millions de personnes d'ici 2050. Et les scientifiques ne trouvent pas le moyen de la guérir. Mercredi, les laboratoires Roche ont annoncé l'échec clinique pour un traitement. C'est le 8e essai clinique qui s'interrompt en un an. Ça peine à avancer, mais néanmoins, il y a quelques sources récentes qui ont suscité de l'espoir. Notamment l'étude publiée lundi dans la revue américaine JAMA, très relayée en France. C'est une grande étude épidémiologique réalisée avec 9000 patients pendant 5 ans. Elle porte non pas sur la démence, mais sur l'hypertension artérielle. Il a été montré qu'un traitement intensif de l'hypertension diminue le risque de troubles cognitifs. Or, les troubles cognitifs, c'est souvent le premier stade de la maladie d'Alzheimer. Les auteurs ainsi que l'Alzheimer Association suggèrent que le traitement de l'hypertension artérielle pourrait donc être une façon de prévenir ou de retarder l'entrée dans la maladie. Bruno Dubois est directeur de l'Institut de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Pour lui, ce n'est qu'une extrapolation des résultats de cette recherche. L'hypertension artérielle peut jouer de façon indirecte. Pourquoi ? Parce que l'hypertension artérielle, en entraînant une altération des vaisseaux du cerveau, ce qu'on appelle artériosclérose, peut diminuer l'oxygénation cérébrale et finalement favoriser la survenue plus précoce des symptômes. Et c'est vrai d'ailleurs que ça avait été déjà démontré que le traitement de l'hypertension artérielle avait pour effet de retarder statistiquement sur une grande population l'entrée dans la maladie. Voilà les deux actions de prévention. Il faut faire attention, si vous voulez, à la façon dont on présente de tels résultats. Parce que si on le présente comme dans un rapport de causalité, à ce moment-là, on pourrait faire de la maladie d'Alzheimer une infection qui est due à l'hypertension artérielle, ce qui n'est pas le cas du tout, mais qu'il y ait une relation indirecte entre la qualité de la vascularisation cérébrale et la date d'apparition des premiers symptômes d'une maladie qui n'est en rien due à l'hypertension artérielle, ça c'est un fait qui est aussi établi. Donc je crois qu'il faut être très attentif à la façon dont on parle de ces choses-là. Il n'y a pas de relation causale entre l'existence d'une hypertension artérielle et la survenue de la maladie d'Alzheimer. Cette étude montre bien qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur la maladie d'Alzheimer, mais elle confirme qu'il est essentiel de traiter l'hypertension artérielle. Ce n'est jamais inutile de le répéter. Pour la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il y a environ 15 ans entre les premières lésions dans le cerveau et l'apparition des premiers symptômes. Et ce qu'il y a d'intéressant en ce moment, c'est qu'on voit que ces laboratoires sont à la recherche de stratégies de prévention efficaces. La semaine dernière, dans Nature Médecine, Une étude préliminaire portait sur la possibilité d'un diagnostic par prise de sang, bien en amont des premiers symptômes de déclin. Un examen sanguin qui permettrait de déceler une protéine neurofilament, la protéine NFH, qui est un marqueur de la mort des cellules neuronales. Marie Sarrazin est neurologue et responsable du service neurologie de la mémoire et du langage de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Elle revient sur les atouts et les limites de ces deux études. C'est pas une étude qui porte sur l'Alzheimer. On peut pas conclure à ce sujet-là. Par contre, on sait, on le savait déjà avant, que traiter l'hypertension artérielle, de toute façon, c'est aussi favorable pour le cerveau, quel que soit le mécanisme rétrocognitif qui peut apparaître, que ce soit vasculaire ou d'autres mécanismes. De toute façon, c'est bénéfique. Donc, ça renforce cette idée-là. Mais c'est pas non plus miraculeux. On aimerait avoir en prévention des informations plus ciblées, plus spécifiques, agissant vraiment sur des mécanismes biologiques directement liés à des processus pathologiques tels que la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas le cas dans cette étude. Il y a beaucoup de recherches sur des marqueurs sanguins de maladies neurodégénératives. Et pour l'instant, on a des outils biologiques de diagnostic qu'on utilise en pratique de tous les jours, en clinique, mais qui nécessitent une ponction lombaire. Mais évidemment, si on pouvait avoir ces dosages dans le sang, ça serait beaucoup plus simple. Alors pour l'instant, il y avait des pistes. Il y a déjà eu des publications, on voit bien que c'était en cours de recherche. Là, il y a des résultats qui sont encourageants, mais qui sont pas du tout encore applicables. Hein. C'est un début, mais c'est assez encourageant pour la suite. Par contre, les marqueurs sanguins, si jamais il y en a, qui permet d'être validé en pratique. La première idée, ça sera de les proposer aux malades, c'est-à-dire des gens qui ont des symptômes cliniques, pas au tout venant, puisqu'on n'est pas encore à l'étape d'une prévention, d'un dépistage au sens de traitement. C'est une recherche qui est en cours là-dessus, aussi sur les traitements, mais c'est pas encore d'application à court terme. Mais c'est une réflexion qu'il y a dans les années à venir. Effectivement, de faire une prévention plus efficace pour des traitements plus efficaces, préventifs, éviter que les maladies puissent n'apparaître. En bref, maintenant, l'État de Washington aux États-Unis déclare l'état d'urgence suite à une épidémie de rougeole. Oui, depuis le 1er janvier, 36 nouveaux cas ont été signalés. 11 autres sont jugés suspects. Le virus de la rougeole est extrêmement contagieux et peut être mortel pour les enfants. Alors là, ce qui explique cette nouvelle épidémie, c'est l'absence de vaccination dans cette région des États-Unis. C'est une zone où les taux de vaccination sont inférieurs à la normale. On craint même une propagation dans d'autres comtés. Par ailleurs, l'OMS a publié cette semaine la liste des 10 dangers sanitaires de 2019. Aux côtés de la pollution de l'air figure la peur du vaccin. Selon l'OMS, je cite, « cette défiance menace d'inverser les progrès accomplis dans la lutte contre les maladies évitables grâce à la vaccination ». Alors le phénomène est tel que sur Internet, des adolescents se tournent vers le site Reddit pour trouver des solutions. Comment se faire vacciner quand les parents s'y opposent? Dans la plupart des États, une autorisation parentale est nécessaire pour les moins de 18 ans. Deuxième sujet de ce journal des sciences, la revue Nature, Ecology and Evolution apporte de nouvelles datations d'Homo sapiens et de sa présence en Europe. C'est une étude intéressante car on a peu de données pour connaître la répartition des espèces d'hommes, d'Homo sapiens et de néandertaliens dans l'espace et dans le temps. Elle a été réalisée par une équipe internationale dans la grotte de Barondillo près de Malaga en Espagne. Et les outils de pierre de type protorinacien ont été analysés par radiocarbone. Là, les spécimens fossiles ont donné des dates plus anciennes dans cette région dans laquelle il n'y avait pas d'habitat Homo sapiens très ancien. Le sud-ouest de la péninsule ibérique est par ailleurs considéré comme l'un des derniers bastions néandertaliens. Alors cette arrivée précoce de l'homme moderne dans cette zone soulève de nombreuses questions. Cela précise ce que l'on sait d'Homo sapiens. En revanche, pour ses interactions avec l'homme de Néandertal, le mystère demeure. Antoine Balzo est paléanthropologue au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Il a trouvé cette étude passionnante. Là, on se retrouve avec un site daté d'il y a à peu près 44 000 ans. Donc c'est très ancien. Et ce qui est intéressant, c'est que cette date, c'est la date la plus ancienne qu'on ait globalement en Europe pour l'occupation d'Homo sapiens. Et là où cette donnée est utile, c'est que en gros, on avait une idée de schéma qui était que Homo sapiens était arrivé depuis l'Est et avait donc conquis petit à petit l'Europe, alors que Néandertal faisait en gros le chemin inverse, disparaissait au fur et à mesure qu'Homo sapiens avançait. Et donc là, cette date très ancienne au sud de l'Espagne, elle est nouvelle dans le sens où, pour le moment, on n'avait pas d'occurrence aussi vieille. On avait une date venant d'un site du plein sud de l'Espagne qui nous disait qu'on avait peut-être la dernière occupation des Néandertaliens en Europe même. Il était proposé que c'était en fait les derniers Néandertaliens et la date était autour d'il y a 32 000 ans. Et ce nouveau résultat, il s'inscrit en fait dans ce contexte-là d'information. Donc tout de suite, un des premiers sujets de com, ça a été de dire « Ce site très ancien prouve que les Néandertaliens ont disparu avant », ce qui est en soi pas vrai. Finalement, ça change pas grand-chose sur les connaissances qu'on a sur Néandertal. Ça consolide cette période-là pour Homo sapiens, pour ces périodes anciennes. Ça nous montre qu'ils sont déplacés plus loin, plus vite que ce qu'on pensait, mais ça va pas au-delà de ça, même si c'est un résultat extrêmement important, ça nous permet pas de résoudre toutes les questions qu'on peut avoir sur ce qui s'est passé entre les différentes espèces d'hommes préhistoriques en Europe. En bref, modification extrême du climat, l'Australie brûle, tandis que l'Amérique du Nord gèle. Oui, là, l'Australie, les températures viennent de frôler les 50 degrés dans le sud du pays. Ces 5 dernières années, ce sont les années les plus chaudes jamais enregistrées en Australie. Record aussi, des températures minimales les plus chaudes de l'hémisphère sud. Le 18 janvier, par exemple, les températures les plus fraîches étaient de 35,9 degrés le matin. Pour la faune et la flore, les conséquences sont catastrophiques. Avec lundi, une nouvelle hécatombe de poissons, la troisième en deux mois, et des centaines de chevaux sauvages retrouvés morts déshydratés. À l'inverse, les États-Unis connaissent une vague de froid polaire historique. Depuis mardi, dans la région des Grands Lacs, les températures ont baissé jusqu'à moins 48 degrés, moins 14 à New York, et ce week-end à Chicago, il fera aussi froid qu'en Antarctique. Là, il s'agit du vortex polaire, c'est une masse d'air froid qui vient du pôle Nord, mais qui habituellement ne descend pas vers les basses latitudes. C'est l'une des plus grosses vagues de froid jamais connues. Et on parle souvent de l'extinction des espèces animales, Natacha, mais assez peu des espèces végétales. Et pourtant, en France métropolitaine, un rapport révèle que 15% de la flore sauvage risque de disparaître. Alors cela concerne l'ensemble des fougères, des conifères et des plantes à graines. Et sur les 5000 plantes recensées, 750 espèces végétales sont menacées, dont 51 en danger critique d'extinction. 22 espèces ont déjà disparu de métropole. Alors ce rapport parle d'une situation préoccupante. En cause, l'urbanisation grandissante, l'artificialisation des terres et l'agriculture intensive. Voilà, vous êtes content d'écouter la médiation scientifique aujourd'hui, ça vous donne la patate pour cette fin de semaine. Allez, on va terminer par notre rubrique de science improbable dans Current Biology. Des neuroscientifiques suisses se sont intéressés aux effets du bercement sur le sommeil. Alors, bercer un enfant pour l'endormir plus vite, on le sait, ça fonctionne, et bien pour les adultes aussi. Pour cette étude, des souris et de jeunes adultes ont passé leur nuit dans l'université de Genève, dans des lits oscillants. L'analyse de leur activité cérébrale a révélé que les nuits passées dans ces lits à bascule garantissent un sommeil plus profond que dans des lits classiques. L'endormissement est aussi plus rapide. Alors pourquoi au niveau neuronal le bercement favorise le sommeil? Ça, c'est la prochaine étape de cette recherche. En attendant, pour dormir comme un loir, on peut encore investir dans un hamac. Voilà, vous dans un berceau. Allô Lacan. Merci beaucoup, Natacha. Bon, et bien, après toute cette nouvelle réjouissance, on ne sait plus trop par où commencer. Peut-être, Caroline, un mot tout de même sur ces échecs à répétition dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Natacha le disait, 8 essais cliniques de phase 3 interrompus en un an. On ne trouve pas, pour le moment, d'issue, de solution. On est dans une impasse. Oui, c'est le cas cette année, mais c'était le cas les années précédentes. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire qui à chaque fois se répète. On va avoir une piste intéressante en laboratoire qui peut être confirmée sur le modèle animal et puis dès qu'on passe aux essais cliniques, dès qu'on passe au stade 1 puis 2, ça s'arrête. Et c'est quelque chose qui est à la fois terrible pour les malades, évidemment, pour lesquels on n'a toujours pas de solution à proposer, mais aussi quelque part terrible pour le modèle économique des laboratoires, puisque pour eux, c'est un investissement énorme en termes de recherche et c'est aussi des perspectives énormes en termes de rentabilité. Pourquoi est-ce qu'ils ont cherché autant? Pourquoi est-ce que même en se cassant les dents à chaque fois, ils ont continué si longtemps? C'est parce que c'est un marché énorme. Vous l'avez dit, ça va flamber, il y en aura de plus en plus. Donc c'est un marché à prendre, mais c'est un marché qu'on n'arrive pas à combler. Il n'y a pas de solution. À tel point qu'il y a beaucoup de chercheurs qui pensent qu'il faut recommencer depuis le début. C'est-à-dire qu'on n'aurait rien compris à la maladie. Alors j'entendais le professeur Dubois qui disait que l'hypertension, ça n'était pas la cause de la maladie d'Alzheimer. Bon, c'est, en fait, il y a plein de pistes. Il y a des gens qui pensent aussi à des formes, alors c'est des hypothèses scientifiques de diabète du cerveau, c'est-à-dire que ça aurait un lien avec une mauvaise assimilation du sucre. Bref, il y a plein d'hypothèses, plein de choses sont ouvertes sur la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est le côté qui est aussi réjouissant. Il y a vraiment plein de pistes de recherche, mais pour la concrétisation, en effet, on en est loin. Ouais. Là, la molécule, en l'occurrence, c'était du crénésumab. Donc, MAB, ça veut dire que c'est des anticorps monoclonaux. C'était une piste, on en avait parlé ici bien même, sûr, mais apparemment, c'est une impasse. Oui, c'est une impasse, oui, vraiment. Et c'est à chaque chaque fois, ça se répète, pour l'instant en tout cas. L'autre enjeu, outre celui du traitement, c'est celui, on l'a entendu, on en avait parlé dans le Journal des Sciences ici même, celui du diagnostic précoce, mais avec toujours aussi un problème de taille, qui est celui de l'éthique, puisque si on est diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer sans avoir les premiers symptômes de démence, c'est avec une maladie qui par ailleurs n'est pas traitable, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est intéressant en fait, parce que c'est vrai, on pourrait se dire, mais à quoi ça sert puisqu'il n'y a pas de traitement ? En fait, il y a aussi des chercheurs qui se disent, peut-être qu'on a des traitements qui sont efficaces, mais on les a donnés trop tard. Les essais cliniques sont menés sur des gens qui ont déjà des signes cliniques très avancés. Alors peut-être que la solution, c'est de proposer, reprendre ces molécules dont les essais cliniques ont été interrompus, en les testant plus tôt dans la maladie. Et peut-être que là, on verrait que c'est efficace. Donc c'est à ça que ça peut servir de faire des tests de dépistage. En tout cas, c'est la proposition qui est sur la table en ce moment. Élodie, sur la... Ouais, moi je voulais juste rajouter une toute petite chose sur Alzheimer. J'ai vu que cette semaine, donc ça c'est une nouvelle piste apparemment vraiment toute neuve, des chercheurs avaient détecté des bactéries qui viendraient apparemment des gencives. Oui. Dans les cerveaux de patients atteints d'Alzheimer, et apparemment il y aurait une corrélation entre le degré de la maladie, le degré d'avancement de la maladie et le nombre de protéines produites par ces bactéries. Donc c'est effectivement une piste intéressante qui montre aussi que j'ai l'impression qu'avec Alzheimer, ça part dans tous les sens, on n'a rien compris. Et au final, plus on commence à comprendre, plus on se rend compte qu'en fait on n'avait pas compris. mais voilà, ces bactéries, ça peut être une piste intéressante. Un mot aussi, Elodie, je voyais réagir. Enfin, je pense que tout le monde réagit par la consternation complète autour de cette information sur le fait qu'aujourd'hui, les adolescents aux États-Unis ont recours à des forums type Reddit pour se renseigner sur des façons de se faire vacciner quand leurs parents ne le veulent pas. Oui. Je trouve ça déprimant, mais d'un autre côté, il y a une petite espoir, c'est que au moins eux vont se rendre compte qu'il faut être vacciné. Et veulent être vaccinés. Mais c'est vrai que quand on lit ce qui se passe sur Internet, on voit qu'effectivement, même en discutant avec leurs parents, les parents sont furieusement contre et ils ne les laissent pas se faire vacciner, ce que je trouve complètement... Et surtout, c'est les vaccins à l'adolescence, donc ce n'est pas les premiers vaccins qui sont aussi les plus importants, puisqu'on entendait justement l'état d'urgence dans l'état de Washington à cause de la rougeole. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que peut-être il va se passer quelque chose que la génération de leurs parents et de leurs grands-parents n'ont pas forcément connu, c'est-à-dire qu'eux... voient les effets des maladies contre lesquelles on se vaccine. Ils voient que ce sont des maladies dangereuses, qui font courir des risques à leur santé, qui peuvent même les faire mourir. Donc ils ont envie du vaccin. Le problème des générations précédentes, et ça a été dit maintes fois, c'est que à force d'être vacciné et d'avoir en effet la preuve de l'efficacité du vaccin, on oublie la dangerosité des maladies, donc on se dit je peux m'en passer, j'en ai pas besoin. Ben voilà, cette génération-là, malheureusement, elle paye les pots cassés en n'étant pas vaccinée, mais elle voit l'intérêt du vaccin. Donc voilà, c'est un grand retournement paradoxal de la situation. Sylvain. Oui, moi j'ai envie d'y voir un point positif pour le coup des réseaux sociaux. On a tendance à diaboliser les réseaux sociaux. N'oublions pas quand même que c'est aussi une source d'information qui permet de s'émanciper des tutelles qui peuvent parfois être autoritaires, genre ce genre de parents qui refusent les vaccinations. Donc voilà, essayons d'y voir une lueur d'espoir. Et puis une petite lueur d'espoir quand on voit le président Donald Trump tweeter en disant que suite à la vague de froid aux États-Unis, où est passé le réchauffement climatique, on l'attend, il revient. On en parle pas. Un conseil pour le président Donald Trump, il faudrait qu'il regarde ce film extraordinaire que vous devez connaître qui s'appelle Le jour d'après. Hein, avec le vortex à New York, tout ça. Voilà, qu'il le regarde et ça parle réchauffement climatique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Premier dossier de cette émission, nous allons parler donc de tétraplégie et de remèdes d'implants électriques, puisque selon l'OMS, entre 250 et 500 000 personnes chaque année sont victimes de lésions de la moelle épinière. Or, avec de premiers résultats encourageants dans ce domaine, dont nous avions d'ailleurs parlé autour de cette table, s'est engagée une sorte de course, une compétition scientifique et technique aux implants électriques pour permettre à ces personnes de retrouver leur mobilité, au moins pour partie. Est-ce que la guerre des implants a commencé, Caroline ? Ah oui, vraiment, vraiment. Vraiment, on est à un moment extrêmement intéressant. C'est des moments passionnants, on adore ça, nous, à Sciences et Vie. C'est des histoires qu'on suit depuis très longtemps. C'est vraiment une aventure de science, une aventure, une histoire de pionnier. Et quand je parle de pionnier, je parle vraiment des chercheurs, des médecins, mais aussi des patients. On est vraiment à un moment où, en effet, des idées qui ont pu naître en laboratoire au début des années 2000, où on a vu l'idée que la stimulation électrique pourrait être un moyen de restaurer la communication entre le cerveau et les membres, donc là c'est vraiment des gens qui sont paralysés uniquement du bas du corps, permettrait de relancer l'activité des muscles, de reprendre le contrôle. Donc c'est une histoire qui commence, ce que je disais, au début des années 2000, et là, et ben coup sur coup, à la fin de cette année, on a eu trois grosses publies hyper intéressantes, avec des approches différentes et avec des résultats sur l'humain, sur des patients, qui sont des pionniers, c'est-à-dire qui se sont lancés, acceptent de participer à des essais comme cela et qui voient des résultats sur leur propre corps. Justement, quelles sont ces publications? Il y a eu des résultats vraiment très significatifs depuis 2-3 ans à peu près. Oui, alors on s'est intéressé nous à la dernière publication en date, qui est celle de Grégoire Courtine, qui travaille en Suisse, qui est la plus bluffante dans ses résultats, et j'expliquerai que elle est pas, les résultats qui peuvent avoir l'air époustouflants sont critiqués aussi. Voilà. En tout cas, on s'est intéressé à lui dans le papier. On a longuement discuté avec lui. Lui, il explique en fait que sa stratégie, c'est de faire une stimulation ciblée dans une zone précise de la moelle épinière qui est en lien avec la marche. Et c'est surtout, il a réussi à décoder la partition électrique, un peu comme une partition musicale, qui permet de stimuler précisément le mouvement de la marche. Il fait ça, mais il le fait un peu moins fort que dans les autres techniques pour permettre au cerveau de continuer quand même à envoyer des messages. En gros, il n'écrase pas tous les messages. Il permet au cerveau d'envoyer des messages, lui aussi, donc de faire une sorte de co-réapprentissage. Et pas uniquement le cerveau, il y a aussi des informations proprioceptif, c'est des informations que vous envoient vos muscles, que vous envoie votre corps pour vous dire c'est doux, c'est froid, c'est chaud, c'est voilà, des informations sur votre position dans l'espace. Toutes ces informations-là, elles peuvent encore être utilisées, elles ne sont pas écrasées par la stimulation électrique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de ces équipes qui ont d'abord commencé tous ensemble, ils ont commencé tous ensemble et puis ils se sont séparés, donc maintenant c'est un peu la guéguerre entre eux. Si je refais un peu l'historique, c'est ça. Début 2000, il y a un laboratoire à l'Université de Californie. C'est Reggie Edgerton qui est le gros expert du sujet. Alors lui travaille sur le rat. On a en mémoire, donc c'est quelques dizaines d'années, on a en mémoire les premières fois où on a vu des petits films, on voyait un rat dont la lésion de la moelle épinière était totale et puis on le voyait remarcher. Avant même les années qu'on suivait, on l'a vu courir sur un tapis. Et ce sont des images absolument incroyables. Et bien, dans l'équipe de ce chercheur américain, deux petits jeunes sont venus, Grégoire Courtine, dont je vous parlais. Qui travaille aujourd'hui à l'École Polytechnique de Lausanne. Exactement. Et puis aussi une autre chercheuse, Suzanne Arkema, qui elle est américaine. Et alors ils ont travaillé là, ils ont été en fait enthousiasmés par les résultats et quand ils sont revenus 2003, vers 2004, ils sont revenus dans leur laboratoire, elle au Kentucky et donc lui en Suisse, et ben ils ont commencé à bosser. Et puis ben, l'émulation, la concurrence, ça a du bon. Ils sont partis sur des pistes différentes. Et c'est vrai que elle est partie, elle, sur une stimulation patients. C'est une stimulation continue et un choix de patients qui sont les patients les plus graves. Et c'est l'un des points qui est intéressant. C'est-à-dire que voilà, elle travaille vraiment sur des patients dont la lésion est totale. C'est-à-dire qu'il y a une échelle par lettre en fonction de l'importance de la lésion. Plus la lésion de la moelle épinière est grave, quand elle est très grave, pardon, maximum, c'est A, voilà, la lettre A, et puis au fur et à mesure, moins elle est grave, plus on va jusqu'à E. Voilà. Et les patients sur lesquels travaille Grégoire Courtine, son ancien camarade de laboratoire, ce sont des patients moins graves, sur lesquels il reste des connexions résiduelles. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas quand même paralysés. Ils sont paralysés, mais on voit qu'il peut y avoir une forme de message qui passe. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas des patients sur lesquels, en fait, on aurait misé sur ces dernières fibres résiduelles. En fait, en misant sur le fait qu'elles sont utiles, qu'on peut même peut-être multiplier les connexions entre ces nerfs résiduels, on peut relancer la marche. Et là, c'est la chose qu'on n'a pas encore dite, mais c'est que dans l'expérimentation de Grégoire Courtine, non seulement les patients qui ne pouvaient plus marchent quand ils sont stimulés, et ils apprennent très rapidement, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont stimulés, en quelques jours, quelques semaines, ils savent remarcher. Mais quand on arrête la stimulation, et c'est le truc qui est vraiment bluffant, et c'est pour ça qu'on a choisi vraiment de parler plus de son projet, c'est que les patients continuent à marcher. Ils ont réappris, il y a une forme de connexion qui s'est refaite. C'est-à-dire, avant stimulation, ça ne fonctionnait pas, et après, ils peuvent remarcher. Alors, ils remarchent, il faut préciser qu'ils ne remarchent pas très longtemps, qu'ils marchent un petit peu, ils se mettent pas à courir comme les rats sur le tapis. Exactement. Voilà. Mais comme les rats sur le tapis, avant de courir sur le tapis, le rat, on l'a vu marcher doucement. C'est-à-dire que on est vraiment là dans c'est ce que je disais, c'est une aventure de science, c'est vraiment quelque chose d'enthousiasmant où on voit que ça fonctionne, on voit que ça avance. Avec jeu de mots, ça avance, c'est une course et ça avance, voilà, de mieux en mieux, de plus en plus. L'autre résultat effectivement assez impressionnant, ce prévôt Grégoire Courtine, c'est que avec ces implants, il n'y a pas besoin d'apprentissage, c'est-à-dire que les patients paraplégiques recommencent immédiatement, très rapidement, à marcher sans les longues phases de réadaptation, de rééducation qui étaient nécessaires jusqu'à présent. Exactement, et puis même lui, il pense qu'il faudrait commencer, que son protocole qui pourrait être validé et être disponible dans les hôpitaux tôt, d'ici 4-5 ans, hein, voilà, lui il estime que ça peut aller très vite, pourrait être proposé aussi très rapidement après l'accident, après la lésion. Peut-être 4 semaines, dans le mois qui suit, les mois qui suivent, on pourrait proposer tout de suite aux patients d'être rééduqués par la stimulation, très vite, pour éviter qu'il y ait aussi une sorte d'atrophie, même musculaire, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'ils vont perdre complètement et l'usage, ça n'est pas que nerveux, c'est la totalité du corps. Donc voilà, c'est sa proposition, c'est l'hypothèse qu'il fait, mais donc c'est ce que je disais, la concurrence, c'est stimulant, mais ça permet aussi de se faire un petit peu, de s'envoyer des pics. Et donc quand on a contacté les chercheurs qui travaillent sur les autres sujets, il y a aussi une publication en septembre hyper intéressante, donc de Suzanne Arkema, qui était sa collègue de laboratoire, mais d'une autre équipe qui est à la Mayo Clinic, c'est deux américaines. Eux sont plus critiques. En effet, ils disent c'est bien beau, mais ces patients, ils étaient en moins mauvais état que ceux sur lesquels nous travaillons. Il y avait des liaisons, pas des lésions. Des fibres résiduelles. Il restait des connexions résiduelles. Et ça s'inscrit dans les recherches autour de la neuroplasticité, dont on sait qu'aujourd'hui, quand il y a des dégâts, qu'ils soient cérébraux, que les réseaux neuronaux réussissent à retrouver des chemins à compenser quand il y a eu des AVC, par exemple, dans le système nerveux central, mais manifestement aussi dans le système nerveux périphérique. Là où tout le monde tombe d'accord, en fait, quand on parle des résultats de Grégoire Courtine, y compris les concurrents, c'est qu'en tout cas, il a réussi à faire la démonstration de la plasticité dans cette zone qui peut être très lésée, la zone du corps. Et ça, c'est hyper nouveau. On ne pensait pas que c'était possible. Donc, certains disent, peut-être que ça n'aura pas d'application clinique parce que sur le nombre de patients touchés, ceux qui seraient susceptibles de pouvoir bénéficier de cette technique sont pas si nombreux. Par contre, en termes de compréhension et puis d'enjeux, peut-être pour développer d'autres choses, peut-être aussi imaginer peut-être même une piste thérapeutique avec des molécules qui pourraient relancer une certaine forme de plasticité. Bref, ça ouvre des fenêtres, hein, des fenêtres de recherche auxquelles on n'avait pas pensé auparavant. Donc c'est vraiment un résultat important, un moment clé dans la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Et puis pour remettre aussi les choses au clair, parce que quand on parle de ces percées dans le domaine médical, etc., il faut aussi préciser que ces patients ne se remettent pas à courir tout seuls, ils marchent avec des déambulateurs. Bien sûr, c'est ce que vous disiez. Ils passent la plupart du temps dans un fauteuil, mais ils retrouvent une capacité de mouvement qu'ils avaient perdue. C'est pas Steve Austin encore. Hein. Non, mais c'est ce qu'on a dit au début, hein, c'est des pionniers en fait. C'est aussi des patients, pareil, ça a à voir aussi avec les résultats. C'est pas n'importe quel patient. Ce sont des patients qui sont très motivés. Ça peut aussi biaiser parfois les résultats. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un effet... C'est nécessaire d'avoir des essais plus larges qui vont inclure plus de patients pour voir s'il y a pas aussi la possibilité d'être tombé sur les bons patients. C'est-à-dire le hasard, voilà, c'était sur eux que ça fonctionne et ça fonctionne pas sur d'autres. Grégoire Courtine, il a l'intention de lancer un essai sur une vingtaine de patients très rapidement. Pour pouvoir solidifier ces résultats. Donc ça reste des pionniers, précurseurs, enthousiasmants. Voilà, c'est clair. Et ce qui est intéressant aussi pour conclure, Caroline, c'est que ce que dit Suzanne Arkema, c'est que finalement ces deux protocoles ne sont pas opposés, que la stimulation continue, dont on sait par exemple qu'elle empêche la proprioception, c'est-à-dire qu'elle interrompt le signal qui remonte des membres vers le cerveau, elle peut être en revanche utile pour des gens qui sont effectivement très lésés, enfin que ces deux approches sont en fait complémentaires. C'est vrai, c'est complémentaire, et c'est vrai que quand on y réfléchit, là dans un mouchoir de poche, en 3 mois à peine, il y a eu des publications hyper importantes qui permettent de répondre à un nombre de cas très différents. Il faut savoir que par an, l'OMS estime qu'il y a 250 000 à 500 000. Alors, simple ou doux, mais en tout cas, il y a énormément de lésions de la moelle épinière. Donc, on ne parle pas à un tout petit groupe de patients qui seraient des patients exceptionnels. On parle à un grand nombre de personnes. Après, ce sera des techniques qui, de toute façon, resteront coûteuses, complexes à mettre en place pendant longtemps. Peut-être qu'après, non. Hein. Peut-être que ce sera des stimulateurs, ce sera simple à poser et pas si cher. Mais pour l'instant, ça restera pour les pays riches et pour les patients qui sont dans des centres spécialisés. Un mot peut-être aussi d'autres pistes, parce qu'il y a la piste des implants électriques, mais il y a d'autres pistes intéressantes, et notamment la piste des cellules souches. Oui, qui est une piste aussi qu'on suit beaucoup à Science et Vie depuis longtemps, qui est extrêmement intéressante. Elle ne connaît pas ce moment joyeux de résultats cliniques intéressants. C'est un peu plus complexe, mais c'est une piste hyper intéressante aussi. Il y a vraiment l'idée qu'on pourrait localement faire repousser ou en tout cas reconnecter des cellules nerveuses qui ont été lésées et en utilisant des cellules souches. Alors les cellules souches, on en entend parler beaucoup depuis très longtemps et du coup, les gens savent que c'est une grande famille. Et cellules souches, c'est un mot valise et dedans, il y a toutes sortes de cellules souches. Il y en a plein qui ont été testées. Il y a eu des cellules souches embryonnaires, donc prélevées sur des embryons qui ont été testées. Il y a des cellules souches qui sont des cellules souches qui sont plutôt des cellules qui ont déjà précommencé à se différencier. Et donc, on va pouvoir utiliser à cet endroit-là des cellules souches nerveuses qu'on va pouvoir poser là. Donc, il y a plein de tentatives. Donc, pour l'instant, les résultats cliniques sont pas hyper probant, mais ça continue. Et c'est pareil, c'est pas des pistes qui s'opposent. C'est pas parce qu'on va avoir des solutions stimulation électrique qu'on pourrait pas avoir une bonne solution avec des cellules souches de l'autre côté. Et dernière hypothèse de recherche, la plus fictionnelle ou plus lointaine, c'est l'ICM, l'interface cerveau-machine. C'est Steve Austin, là, pour le coup. Vraiment. Oui, là, c'est vraiment Steve Austin. Ouais. C'est pareil, on a vu ces vidéos. Hein. On a vu ces gens qui arrivent à contrôler par la pensée un bras automatique ou contrôler par la pensée un exosquelette. C'est absolument hallucinant à voir. Moi, je l'ai vu. Donc, c'est des choses qui sont... très impressionnant. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est très expérimental. C'est très expérimental. Et puis, c'est moins naturel. C'est-à-dire que c'est aussi ça aussi. On parle de science, on parle de recherche, mais au final, on parle de patients. Donc, en fait, l'idée, c'est quand même de retrouver le moyen le plus rapide, le plus efficace, d'aller vers une marche naturelle. Donc, c'est celui qui va gagner ça, qui a gagné le pompon. Élodie, Sylvain, une réaction à... Non, mais je trouve ça vraiment très très intéressant. Et effectivement, c'est joli de voir plusieurs études en parallèle sur, au final, des modèles ou des lésions qui sont un petit peu différentes. Et effectivement, les cellules souches, à mon avis, bon, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais c'est aussi une piste très très intéressante et à suivre. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Oui, moi, je trouve ça fascinant. Alors, je connais pas du tout le sujet, mais c'est vrai que et l'espoir pour les patients. Alors, j'ai bien entendu toutes les réserves qu'a mis Caroline, et elles sont importantes. Mais si effectivement les essais de Grégoire Courtine se solidifient, franchement, ça vous l'apporte extraordinaire. Walking down through the park, I'm gonna walk in the moonlight, walk until the night gets dark. I'm going hard walking down on the avenue. I'm going out walking down on the avenue. I'm gonna walk so long till she don't know what to do. Walk a red side of me, 'cause I know she can't be. Walking Through the Park de Muddy Waters dans la méthode scientifique. Deuxième dossier de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Nous allons plonger dans le monde des rêves, un monde bien difficile à étudier si l'on s'en tient au sommeil paradoxal, notamment parce qu'il est assez complexe de dormir sereinement dans une machine IRM qui fait ce type de bruit. Évidemment, c'est pas idéal pour rêver, ou en tout cas, ça fait des rêves peut-être pas très agréables. Bref, difficile de trouver le sommeil dans ces conditions, mais une équipe vient de développer, Élodie, une nouvelle technique d'imagerie cérébrale qui donne d'intéressants résultats précisément sur ce sommeil paradoxal qu'on connaît si mal. Oui, tout à fait. Donc, cette équipe parisienne donc c'est l'équipe de Michael Tanter et de Yvan Cohen, a développé une technique d'ultrasons, donc en gros de l'échographie, hein, pour parler simplement, qui permet d'analyser le débit sanguin dans le cerveau durant le sommeil paradoxal. Donc le sommeil paradoxal, qui a été associé au rêve. Mmh. Donc le sommeil paradoxal, on rêve. Malheureusement, effectivement, ce rôle n'a pas encore été très très bien compris. Pendant un moment, et d'ailleurs toujours, hein, on pense que ces rêves sont importants pour les processus de mémorisation. Et les processus, tout ce qui est émotion. Pour la mémorisation, notamment, on pense que le rêve sert à trier les mémoires de la journée. Donc, en gros, de dégager les mémoires pas intéressantes de la journée et ranger les mémoires intéressantes. Donc, vraiment un tri de tout ça. Et vous vous souvenez de votre podcast de la méthode scientifique, par exactement. Exemple. Ça, c'est intéressant, on garde. Exactement. Et donc, cette équipe a décidé d'étudier l'activité vasculaire couplée à l'activité électrique. Donc, activité vasculaire avec ses ultrasons et activité électrique avec un électroencéphalogramme, donc EEG, qui va, en gros, tout simplement regarder l'activité électrique du cerveau. Donc voir des petits pics, et les ultrasons vont voir vraiment le déplacement de la flux sanguin. Et alors, qu'ont-ils vu en combinant ces deux techniques d'imagerie? Ce qu'ils ont vu, c'est que donc pendant le sommeil paradoxal, il y avait des pics d'afflux sanguin dans le cerveau. Il y en avait deux différents, vraiment. Le premier, qui était plutôt comparable à celui d'un rat éveillé en activité. Le deuxième, qui n'avait jamais été observé auparavant, qui va se manifester par des augmentations soudaines du débit sanguin. Donc là, c'est plutôt des pics du débit sanguin. Il faut préciser que tout ça, c'est fait chez le rat, hein, pas chez l'être humain. Tout ça, voilà, est fait chez le rat, bien sûr. On ne compare pas le cerveau d'un être humain à celui d'un rat, quoique, mais enfin... Pour l'instant, en tout cas, malheureusement, beaucoup... Bah, oui. C'est ça avec les neurosciences, hein, c'est que comme on n'a pas de cerveau à disposition, on étudie le rat, et après voilà, faut toujours voir si c'est la même chose. Donc ce qu'ils ont pu voir en tout cas, c'est que ces pics vasculaires durent en moyenne entre 5 à 30 secondes, et ils sont particulièrement intenses dans l'hippocampe, qui est la région du cerveau qui est impliquée dans la mémoire. Dans la mémorisation, oui. Voilà, exactement. Et donc c'est vraiment, ces pics n'avaient jamais été vus auparavant. Et ils sont parfois plus forts que les pics d'afflux sanguin d'un rat en activité. Donc c'est vraiment intéressant de se dire que voilà, pendant la nuit, il se passe des choses qui sont semblables, voire même plus importantes que pendant la journée. Surtout, c'est quand même, faut voir que c'est quand même en termes d'énergie, c'est une consommation énorme d'énergie. Donc potentiellement, on se dit, si ça a été conservé pendant l'évolution, c'est que ça doit être quand même un petit peu intéressant. Ça doit être, toute cette énergie n'est pas juste utilisée comme ça pour rien. Ça doit vouloir dire quelque chose. Il y a le facteur énergétique, c'est-à-dire effectivement l'énergie que cela consomme, et puis par ailleurs l'extrême vulnérabilité, parce qu'il faut se souvenir que pendant le sommeil paradoxal, le corps est paralysé pour éviter de se blesser. Oui. C'est-à-dire que comme on reproduit effectivement que le cerveau a un certain nombre de signaux qui sont très très similaires, comme vous venez de le dire, Élodie, à ce qui se passe pendant l'éveil, eh bien le corps est paralysé, ce qui est d'ailleurs à l'origine des fameuses paralysies du sommeil que certaines personnes ressentent et qui se réveillent finalement encore dans cette activité de sommeil paradoxal et qui ne peuvent pas bouger. Ça crée des espèces de visions très très perturbantes et très effrayantes. Exactement. Voilà. Et donc dans l'article, en fait, ils ne savent pas exactement, bien sûr, à quoi correspondent ces débits sanguins, cette activité vraiment en pic pendant la nuit. Par contre, il y a une hypothèse, ça serait que en fait, le rat rejoue l'activité réalisée pendant la journée, puisque vraiment elle est similaire et plus importante. Donc voilà, ce qu'ils disent, c'est que effectivement ce rat, pendant la nuit, pendant ses rêves, pourrait vraiment faire un replay en fait de sa journée, surtout qu'ils ont vu ça en fait particulièrement sur des rats qui avaient fait un exercice de course pendant la journée. Donc voilà, l'idée, ce serait... Quand il y a eu beaucoup d'activités, du coup, il y a plus de choses à mémoriser. Exactement, mais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut observer quand vous avez des journées particulièrement chargées en émotions, en choses. Vous pouvez voir que vous faites plus de rêves, généralement, pendant la nuit. Donc on pensait que c'était effectivement ça pour un petit peu ranger les mémoires, etc. Mais ça pourrait être au final une façon de simuler le monde réel, ou de rejouer en quelque sorte ce qui s'est passé pendant la journée, pour peut-être éventuellement se préparer si jamais la situation arrivait de nouveau, voilà, être prêt, simulé, un petit peu comme dans un jeu vidéo, on se préparait à la vie réelle. Il y a deux types de théories, hein, d'ailleurs, qui recoupent ce que vous dites là. C'était pendant très longtemps la théorie de la simulation de menace, c'est-à-dire de dire que le rêve nous préparait à affronter des périls dans la vie, mais elle a été complétée assez récemment, je crois que vous nous en avez parlé d'ailleurs, Caroline, de la théorie de la simulation sociale, notamment avec des études qui avaient été faites sur des étudiants qui préparent leur examen, et ceux qui rêvent de l'examen la veille réussissent mieux à l'épreuve que ceux qui n'en ont pas rêvé. Exactement, c'est vraiment, ça soutient cette idée de simulation, de se préparer à la journée, de se préparer, que ce soit un danger, à une menace ou tout simplement à une grosse chose qui va nous arriver dans la journée. Notamment, c'était l'article de Science et Vie. Le dernier dossier sur les rêves. Qui disait que souvent les enfants dans les pays industrialisés font énormément de rêves de bêtes sauvages alors qu'ils n'en ont jamais vu. Du coup, ça peut servir. Voilà, c'était sélectionné par notre inconscient. Et plus on grandit, et moins, au final, on fait ce genre de rêve. On va faire un genre de rêve de choses qui se passent dans la vraie vie. Exactement. Et on va rêver de nos propres menaces plutôt que de bêtes... De peur ancestrale. De peur, oui, c'est ça. Exactement. Et ces poussées vasculaires, du coup, Élodie, maintenant qu'on les a vues chez le rat, est-ce qu'on peut transposer ça immédiatement et sans sourciller à l'être humain? Est-ce qu'on peut les examiner? Est-ce qu'il y a une façon de les examiner chez l'être humain ou est-ce que c'est plus compliqué? Alors, c'est beaucoup plus compliqué pour deux raisons. Déjà, le sommeil chez le rat et le sommeil chez l'humain diffèrent. Donc, on ne peut pas transposer et se dire, bon, il y a des pics chez l'humain, il va falloir regarder comment ça se passe. Et cette technique, qui est vraiment très, très intéressante, va être un tout petit peu plus compliquée pour l'humain adulte, car le cerveau se retrouve dans un crâne qui est calcifié, et donc, du coup, les ultrasons ne pourraient pas passer. Donc, il va falloir un petit peu adapter la technique, mais elle a déjà été montrée super efficace pour analyser les cerveaux des nourrissons, qui, eux, ont un trou dans le crâne au niveau de la fontanelle. Exactement. Et donc, ces ultrasons ont pu passer. Ils ont pu analyser le sommeil des nourrissons, des nouveau-nés, donc de bébés tout à fait normaux. Mais ils ont également pu observer le débit sanguin et ce qui se passait, les activités électriques dans des cerveaux d'enfants qui faisaient des convulsions. Donc, de nouveau-nés avec des convulsions. Donc, cette technique est vraiment très, très intéressante. Pas seulement pour le rêve, mais pour tout ce qui est AVC et épilepsie. Parce qu'elle se montre aussi efficace au final que l'EEG, pas du tout invasive. Et donc, elle permettrait de montrer vraiment ce qui se passe au niveau des billes sanguines dans le cerveau avant l'arrivée d'une crise. Pendant l'arrivée d'une crise, elle permettrait peut-être de pouvoir voir où sont les foyers. Parce que les crises d'épilepsie, hein, c'est pas forcément tout le cerveau qui s'enflamme d'un coup. Parfois, c'est un petit endroit qu'on a du mal à caractériser et à cartographier. Donc vraiment, avec ça, ça pourrait permettre, notamment chez les nouveau-nés, de comprendre ce qui se passe dans leur cerveau. Caroline, un mot sur ces études. Je vous laissais finir votre bouteille d'eau. Oui, bien sûr. je rêvais. Mais c'est hyper intéressant. Puis c'est vrai que le dernier aspect, l'aspect application thérapeutique, enfin clinique, pardon, c'est hyper intéressant. C'est vrai que le cerveau, c'est une boîte noire quand même. Alors on a des techniques de visualisation. Vous parliez de l'IRM. Ça me faisait rire. C'est vrai que dormir dans un IRM. Ouais, mais par rapport à ce qu'on disait au début, peut-être en le berçant, c'est-à-dire qu'il faudrait bercer l'IRM pour compenser le bruit. Bing, boum, bon, bref. Mais c'est complexe. C'est un peu lourd l'IRM pour bouger Pas facile. Non, c'est hyper intéressant. Le rêve, c'est vraiment terra incognita et en même temps, de plus en plus, on commence à avoir des pistes. Alors, c'est vrai qu'on a fait un gros dossier le mois dernier dans Science et Vie. Il y a tout un pan aussi que j'aime beaucoup qui est le rêve éveillé. Je trouve ça hyper intéressant. Le rêve lucide, c'est hyper intéressant, hyper marrant, quoi. C'est un univers. Je pourrais vous en parler, mais je fais partie des gens qui font des rêves lucides. C'est vrai, ça c'est génial. Et oui, vous les avez manqués, vous nous avez abondamment écrit pour réclamer son retour. Et c'est vrai, comme toute bonne série qui rend accro, le voici donc le retour de Sylvain Guilbeault, alias Jim Phelps de la méthode scientifique, qui aujourd'hui s'est fixé comme mission impossible de vous faire absolument tout comprendre sur le lien entre la seconde loi de la thermodynamique, le rayonnement de Hawking, l'évaporation des trous noirs, sans oublier la théorie de la calvitie. Sylvain, les auditeurs vous attendent, ne les décevez pas. Dites-nous tout. C'est un dossier passionnant dans la recherche ce mois-ci, autour de l'entropie, et notamment le lien entre l'entropie et les trous noirs. Oui, absolument. Ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Mm-hmm. En fait, la question qu'on se pose, alors, elle va vous paraître peut-être étrange, mais qu'est-ce qui arriverait, Nicolas, si vous perdiez toute votre mémoire, imaginez tous les podcasts de la méthode scientifique disparaissent dans un trou noir. Arrêtez, je vais faire des cauchemars réveillés, ça va être l'enfer. Ah oui, désolé de vous poser devant cette alternative terrible. Seriez-vous capable de retrouver l'information de tous ces épisodes de la méthode scientifique s'ils disparaissaient dans un trou noir? Je ne sais pas, Jean-Pierre Luminet a quelques indices à nous donner. Vous l'avez interrogé justement dans ce numéro de la recherche. Oui, absolument. L'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, qui est spécialiste des trous noirs, finalement nous explique cette histoire du paradoxe de l'information. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe? Là, il faut déjà revenir au trou noir. Donc ces trous noirs, ce sont ces objets extrêmement fascinants et bizarres de l'espace-temps, ces masses très concentrées desquelles rien, a priori, ne peut sortir. Même pas la lumière ne peut s'en échapper, tellement le potentiel gravitationnel est très fort et retient les objets qui sont tombés dedans à l'intérieur. Donc toute l'information, normalement, il n'y a aucune information qui sort d'un trou noir. Absolument. Normalement. Normalement. Ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que dans les théories qu'on connaît, par exemple les théories de la physique classique ou même la mécanique quantique, nous disent que l'information doit se conserver. Par exemple, si jamais vous perdiez tous vos podcasts de la méthode scientifique, mais dans une explosion, par exemple, votre disque dur prend feu et s'évapore en fumée, en théorie, vous êtes en physique classique ou même en mécanique quantique, si vous disposez d'assez d'énergie et d'ordinateurs assez puissants, vous pouvez capturer toutes ces microparticules qui s'échappent et les forcer à inverser leur trajet pour venir reconstituer le disque dur. Ça, c'est possible parce que les équations à la base de la physique, par exemple celles qui décrivent la trajectoire de ces microparticules, ce sont finalement les lois de Newton, elles sont parfaitement ce qu'on appelle réversibles. C'est-à-dire que le temps, on peut inverser le temps dans les équations, et si on inverse le chemin physique des particules, on peut les faire parcourir le sens inverse. Et dans ce cas-là, on peut revenir à la situation initiale. Alors bien sûr, c'est en théorie, puisqu'en pratique, bien sûr. C'est pas inverser le cours du temps dans l'état actuel des choses. Non, n'essayez pas ça chez vous si vous avez perdu votre disque dur, ça ne marche pas. Non, hein, voilà, c'est pas une recette pour récupérer son disque dur qui est craché, malheureusement. Voilà. Mais en théorie, c'est possible. En théorie, l'information se conserve, et c'est important parce que sans cette propriété que l'information se conserve, nos théories s'effondrent. La mécanique quantique s'effondre, la physique classique s'effondre. Et c'est un problème parce que la mécanique quantique, ça nous est souvent présenté comme une théorie exotique, mais finalement c'est celle qui explique des choses aussi simples que pourquoi un matériau est conducteur, pourquoi un autre ne l'est pas. C'est une théorie qui à la base nous explique le fonctionnement de ce micro dans lequel je suis en train de parler. C'est pas seulement une théorie qui explique des phénomènes étranges, l'intrication, que sais-je. Ça explique aussi la stabilité de la matière. Donc finalement, c'est important que l'information se conserve pour conserver toutes ces lois qu'on a eu tant de mal à élaborer et qui expliquent tant de choses. Or, dans un trou noir, il se trouve qu'effectivement, si vous lancez un objet dedans, il n'a plus aucun moyen d'en sortir. Donc a priori, l'information est perdue. Alors, vous pouvez dire, finalement, il n'y a pas de problème puisque l'information est seulement cachée. Comme si vous aviez mis votre disque dur dans un coffre-fort. Bon, d'accord, vous avez peut-être perdu le code de ce coffre-fort, mais vous savez que l'information est toujours à l'intérieur. Peut-être que c'est la même chose pour un trou noir. Sauf que vous avez mentionné Stephen Hawking, qui a dit qu'en fait, les trous noirs ne sont pas tout à fait noirs. Ils rayonnent. Ça, c'est associé au fait que les trous noirs ont effectivement ce qu'on appelle une entropie. Et associé à cette entropie, donc une grandeur qu'on appelle thermodynamique, est associée une température. Les trous noirs ont effectivement une température. Et tout objet qui a une température émet de la chaleur, émet du rayonnement. Même vous, hein, vous, Nicolas, vous émettez de la lumière. Bon, il faudrait avoir une caméra infrarouge. C'est ça. Voilà, avec une caméra infrarouge, je pourrais tout à fait voir que vous émettez de rayonnement infrarouge. Et bien, les trous noirs également émettent un tel rayonnement. Alors, un peu plus complexe que celui-là, mais c'est un rayonnement. Et donc, petit à petit, les trous noirs s'évaporent. C'est le rayonnement de Hawking de 75. Voilà. Sauf que ce rayonnement est assez particulier. C'est-à-dire qu'il ne dépend que de la masse des trous noirs. Finalement, vous prenez deux trous noirs qui ont les caractéristiques similaires, notamment la même masse. Et bien, finalement, vous ne pourrez pas distinguer entre les deux. Donc, vous ne pourrez pas distinguer quel objet est finalement rentré dans l'un et sorti. Puisque, donc, vous n'aurez aucun moyen de remonter malgré, même si vous pouviez capter ce rayonnement de Hawking, qui est pour l'instant théorique, hein, en pratique, il est quasiment impossible de pouvoir détecter un jour ce rayonnement, mais les équations sont formelles, il semble qu'il existe. Mais même si vous pouviez le capter, il est impossible de faire ce que vous pourriez faire avec votre disque dur, c'est-à-dire le recomposer et en déduire les objets qui étaient à l'origine dans le trou noir. D'où le paradoxe de l'information. Les trous noirs s'évaporent, mais il semble qu'on ne puisse pas retrouver l'information. Du moins d'après Stephen Hawking. Ça, c'était dans les années 70. C'est ça, en 75. Depuis, il y a du chemin qui a été fait. Oui, puisque le problème pour décrire un trou noir, et notamment les rayonnements qui s'en échappent, c'est que il faudrait pouvoir disposer d'une théorie qui décrive à la fois ces trous noirs, c'est-à-dire la relativité générale d'Einstein, où les masses en jeu sont énormes, elles courbent l'espace-temps de manière extraordinaire, et en même temps une théorie quantique qui produit justement ce rayonnement. Alors Stephen Hawking a réussi ce tour de passe-passe de réussir à faire la jonction en un point de ces deux théories. À l'horizon des événements, voilà. Sur le rayonnement, qui mêle un peu physique quantique et relativité, mais en règle générale, ces deux théories sont complètement incompatibles. Et le fameux problème de la gravitation quantique dont on a parlé, reparlé, surparlé, dont on a parlé hier encore d'ailleurs dans la méthode scientifique. Voilà. Et là se trouvent deux alternatives pour résoudre le paradoxe. Soit l'information est effectivement complètement perdue, et alors nos lois s'effondrent, et il faut tout recommencer depuis le début. Or, c'est une solution auquel les physiciens refusent de croire. Voilà. C'est vraiment en dernier ressort, il faut y croire. L'autre possibilité, ça serait effectivement de construire une théorie quantique de la gravitation qui pourrait finalement permettre de résoudre ce paradoxe, de montrer que d'une façon ou d'une autre, le rayonnement de Hawking ou une autre quantité permettrait de retrouver l'information. Les physiciens ont essayé de le faire dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie des cordes, qui, vous l'avez déjà évoqué dans cette émission, c'est une tentative de théorie du tout qui réconcilierait mécanique quantique et relativité générale. Et dans ce cadre-là, des physiciens ont avancé des scénarios où ils font des calculs pour justement retrouver cette entropie associée à l'information que contient le trou noir. Mais alors, ils l'ont fait dans des cas très particuliers. Parce que dans l'espace-temps classique tel que l'on le connaît, les calculs sont impossibles à mener directement, c'est beaucoup trop compliqué. Donc les physiciens font un peu ce que font les neuroscientifiques ou d'autres, c'est-à-dire qu'ils prennent des modèles. Alors il n'y a pas de rat équivalent de trou noir, mais c'est des modèles théoriques. Ils imaginent des espaces-temps joués, des espaces-temps modèles simplifiés. Alors simplifiés, on s'entend, hein, c'est des espaces-temps qui ont plus de dimensions, 5 dimensions, qui ont des géométries bizarres. Mais bon, pour un physicien théoricien, c'est un modèle plus simple dans lequel ils peuvent faire des calculs. Et effectivement, dans certains cas, ils ont montré qu'on pouvait recalculer l'entropie de certains trous noirs bizarres dans ces espaces-temps bizarres et effectivement résoudre le paradoxe de l'information dans le cadre de la théorie des cordes. Mais voilà, c'est pas complètement satisfaisant. C'est pas complètement satisfaisant, notamment à cause de ces problèmes de dimension. De dimension, et ces problèmes aussi de théorie des cordes, puisque les théories des cordes ne restent qu'une spéculation théorique qui n'est pas étayée par les expériences et qui est une seule, et encore je voudrais dire, qui sont, puisqu'il y a plusieurs modèles de théorie des cordes possibles, qui sont une famille de théories possibles pour aller au-delà de la relativité générale. Il y a d'autres théories alternatives possibles, on va pas refaire ici le débat de la théorie des cordes. On salue Carlo Rovelli voilà, qui nous écoute régulièrement, qui est un des fondateurs de la gravitation quantique à boucle. Absolument, et il semblerait que la gravitation quantique à boucle a moins de problèmes avec le paradoxe de l'information que ne peut l'avoir la théorie des cordes. Mais c'est un autre débat. En fait, j'ai dit qu'il y avait ces deux alternatives. En fait, il y en a une troisième. La troisième a notamment été explorée par Stephen Hawking dans son papier posthume, puisque Stephen Hawking est, vous le savez, décédé l'année dernière. Mais il y a un papier, un de ses derniers papiers, enfin même son dernier papier, qui a été publié sur le site en ligne Archive. Donc tout le monde peut aller consulter en fin 2018. Et à la fin de sa vie, Stephen Hawking, avec ses collaborateurs, essayait de résoudre le paradoxe de l'information, mais en restant dans le cadre de la relativité générale. C'est-à-dire en supposant, en essayant de voir s'il ne pouvait pas exister des propriétés du trou noir dans lequel pouvait être encodée cette information contenue à l'intérieur du trou noir, mais qui pourrait rester néanmoins accessible de l'extérieur ou peut-être s'échapper avec le rayonnement de Hawking. Vous avez mentionné le théorème de la calvitie. C'est vrai que la relativité générale dit que les trous noirs malgré que ce soit des monstres qui semblent extrêmement complexes, sont finalement décrits par trois paramètres. La masse, que j'ai mentionnée, qui est très importante, mais aussi ce qu'on appelle la charge, et leur quantité de rotation. Ce qu'on a, avec ces trois seuls paramètres, la théorie de la relativité générale nous dit qu'on peut décrire un trou noir. Il semblerait que ça pourrait être un peu plus compliqué, qu'il pourrait être... Curieusement. Voilà, qu'il pourrait exister d'autres quantités qui soient conservées, qui décrivent un trou noir. Et c'est le dernier papier de Stephen Hawking qui essaye de tirer cette hypothèse, voir si elle peut résoudre le paradoxe de l'information. Et c'est lié à un fait qui est assez fascinant en physique, qui est lié aux symétries. En physique, les symétries... Et c'est fascinant dans tous les domaines de la physique. Les symétries sont liées à des quantités qui sont conservées. Par exemple, vous savez que l'énergie se conserve. Ça, c'est une loi qui a été érigée, une espèce de loi fondamentale de la physique qui fait que lors d'une transformation, l'énergie doit se conserver. Même à l'échelle de l'univers, l'énergie doit se conserver. Et ça, d'un point de vue très... dans les équations, c'est lié fondamentalement au fait qu'il y a une symétrie qu'on appelle temporelle, de translation temporelle. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que simplement, si j'effectue une expérience ici et maintenant et que j'observe son résultat, eh ben, si j'effectue cette même expérience dans 100 ans ou même dans 1000 ans, dans n'importe quel autre endroit de cette même expérience, toute chose égale par ailleurs, eh ben, j'obtiendrai le même résultat. Cette symétrie dans le temps des lois de la physique est liée au fait que l'énergie est conservée. Et de la même façon, Stephen Hawking travaille sur le fait qu'il existerait d'autres symétries, alors beaucoup plus complexes à l'échelle de l'horizon des événements, c'est la frontière des trous noirs, des symétries qui feraient que des quantités, qu'il appelle justement super-translation, super-rotation, seraient conservées à l'horizon des événements, et que ces quantités conservées pourraient être la clé qui encoderait l'information contenue dans les trous noirs. Reste à savoir on pourrait retrouver cette information lorsque le rayonnement du trou noir évaporerait complètement le trou noir. Ça reste à démontrer. Le paradoxe de l'information tient toujours. Mais il y a une piste qui n'a pas besoin de physique extrêmement spéculative pour résoudre ce paradoxe et qui semble prometteuse. Merci beaucoup Sylvain, tout ça est à lire dans le magazine La Recherche, dans votre dossier de ce mois-ci sur l'entropie architecte de l'univers. Un dernier tour de table rapidement, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues, que vous avez envie de signaler, Caroline ? Nous, la une de Science et Vie, c'est sur les astéroïdes tueurs, hein, un premier crash test, on en a entendu parler. On fait vraiment un gros dossier sur l'expérimentation qui a lieu en ce moment. Elodie ? Moi, il y avait les bactéries dans Alzheimer, mais j'en ai parlé au tout début. Et Sylvain ? Moi, j'en profite pour les auditeurs parisiens qui pourraient se déplacer à l'Université Paris Dauphine le 13 février. On fait la remise de nos prix La Recherche. On a sélectionné des publications de l'année francophone de l'année dernière qui nous semblent vraiment très importantes dans tous les domaines de la science. Et on les explique le 13 février prochain à Paris Dauphine. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter. La une de La Recherche de ce mois de février, Sylvain ? Et bien justement, l'entropie et les trous noirs. Oui, Elodie, un mot ? Oui, puisqu'on parle justement d'événements, c'est la journée de la molle la semaine prochaine. qui a été redéfinie récemment. Qui est le 6 février. Et donc, on a trois événements en partenariat avec le CNRS, donc deux chimies. Très bien. Et bien pareil, ce sera sur le fil Twitter de l'émission @ la méthode FC. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Caroline Tour, merci Elodie Chabrol, merci Sylvain Guilbeault. Je vous signale aussi le nouveau numéro des cahiers Paris Descartes autour ce mois-ci. Les cahiers de l'Université Paris Descartes autour du thème des fake science. On va vous mettre là aussi un lien sur le fil Twitter de l'émission. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de mentionner le fait que ce week-end, c'est le festival qui me tient à cœur, ce festival très cher dont on vous reparlera dans l'émission, le festival du film fantastique de Gérard May. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, avec Étienne-Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Ville-France, Céline Lozen et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Alain Joubert à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, lundi, nous parlerons de la recherche fondamentale dans la lutte contre le cancer, ce sera la journée mondiale de lutte contre le cancer. Mardi, pour une raison obscure, allez savoir pourquoi, on va parler d'Antarctique. Mercredi, nous reviendrons sur le débat qui empoisonne la société, le glyphosate. Jeudi, grand entretien avec Arnaud Fontanier, qui est le nouveau titulaire de la chaire d'épidémiologie au Collège de France. Et puis ce sera un vendredi fiction la semaine prochaine. La science-fiction est-elle encore politique ? Demain à 16h, vous retrouvez le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.